se sangwa. Boko suka na sengete. Yoyuma. Kanganzoto. Fongola miso. Kola. Feu poudre. Bana patru mi kudila. Angola boya kanito simba dendele. Patru le zande mi kudila mwa. Angola boya kanito simba dendele. Ketite lisi salisa beto. Salisa beto. Likisa beto. Likisa bana yo. Salisa beto libe. Wasika na utiku na na yoki makamu. Moussa Kibino me réclame. Champion du monde. Jamais sans nous. Ala Doula Mogati. Benzina la solitaire. Ala Gambo Gambo Gandiyande. Mais manda pas mon assinité. Gambo Gandiyande. Ala Gambo Gambo Gandiyande. Bila Mane Wazande Gandiyande. International. Ala Gambo Gambo Gandiyande. Wana Gendo Makushika. Kose Sela Wakwela Grisele Patrike Mungala Wamushika. Baba Wande, Baba, Baba Wande, Doula Mokati. Baba Wande, Baba Wande, Doula Mokati. Ah, Pascaline Mpongo, Yaya Baleke, Doula Mokati. Maître Vincent Gomez, Naponto Labele, Doula Mokati. Ale Charne Mane, Maya Simone, Mame, Doula Mokati. Fongo la miso, Sylvie Likibi, Fongo la miso, Wana Kola. est populaire. Ah ben c'est ça ou quoi?